Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 19e émission Où ira bien, qui où ira le dernier, l'émission dédiée aux lives musicaux. Cette semaine, pour nous accompagner, j'accueille le compositeur et clarinettiste Yann Lecoller. Salut Chloé. Bonsoir Yann, que nous allons entendre jouer d'ici quelques minutes, quelques secondes, en ce dimanche 13 mai. Tu es venu accompagné de deux autres musiciens, Quentin Manfroy à la flûte, Eric Bribosia au clavier, qu'on pourra entendre dans le live final, puisque vous avez un groupe ensemble, MU. On en reparlera. On commence avec toi, Yann, avec un premier live à la clarinette. Thank you. Merci. Yann Le Coller, en live dans les studios de Radio Panique. Donc, Yann, déjà, peut-être les auditeurs ont été étonnés. J'ai annoncé un solo de clarinette. Peut-être certains s'attendaient à du klezmer. Ouais. Et donc là, c'est pas une clarinette. Donc, c'est une clarinette basse, c'est ça ? Une clarinette basse. Amplifiée. Que tu voilà. Avec des effets. Oui, c'est vrai que c'est peut-être encore plus marrant à voir parce que c'est vrai que d'écouter comme ça sans s'apercevoir que, en fait, c'est. Une manière de ce qu'on pourrait tirer d'un signal électrique à une clarinette, puisque en tant que clarinettiste, évidemment, j'ai avant tout une approche plutôt acoustique. Bon, là, c'était un peu le jeu d'essayer autre chose avec toutes les maladresses que permettent la technique et tout ce que ça peut procurer de nouveau, de neuf. Et donc, voilà, il est question d'un micro. Style piezo planté un petit peu dans le bec, comme ça, repris dans des pédales avec des élastiques qui se tendent sur l'instrument, qui font des jeux de résonance, tout ça, une réverb plus que. Enfin, c'est un peu trop, quoi, à outrance. Et puis voilà, tout ça. Et est-ce que c'est la première fois que tu présentes ce projet solo ? En tout cas, c'est assez neuf. Oui, c'est assez neuf. Oui, c'est plutôt une manière de rechercher, de travailler, qu'une fin en soi. Je l'avais déjà joué dans une petite occasion comme ça, devant un public, qui se représente demain en fait, demain soir. Ouvert au public ? Ouvert au public. Demain lundi ? Ouais, il s'agit de concerts en appartement. Alors, c'est jamais des publics immenses, mais. C'est toujours assez sympathique. Et tu peux nous dire aussi si des intrigués. Absolument. Des auditeurs intrigués. Numéro 10, rue Jean Volders à Saint-Gilles. Ah oui. Voilà. À 20h30, petit bar et puis trois solos, donc, dont moi, un violoniste dont j'ai oublié le nom et puis ce bon vieux Clément Nourry. Très bien. Qu'on salue, qui a été notre invité lui aussi. Oui. Donc, toi, tu as commencé d'abord la musique en autodidacte avant de te former à partir de 20 ans. Et tu es allé assez vite vers la composition ? Bah oui, parce que partir de rien, on est obligé d'inventer, j'ai envie de dire. Vu qu'il n'y avait pas de chemin tout tracé, on bricole, on invente, on imagine. Et puis, c'est peut-être un peu ça, la composition. La composition et différents instruments avant, notamment le saxophone. Ouais. Petit à petit, tu es venu à d'autres instruments, tu fais de la flûte aussi. La flûte, rarement et encore moins quand Quentin est ici, comme aujourd'hui. Hein. On ne va pas tout mélanger. Donc, pour revenir un peu à des anciennes choses, un des premiers groupes que tu as formé en sortant de Promusica, l'école que tu as faite au Thor, dans le sud-est de la France, c'était Phonétique. Absolument, oui. Un groupe, un quartet avec Tom Garel, Benjamin Chaval et Benoît Bouveau. Voilà. Donc vibraphoniste, batteur et guitariste. On va écouter dès maintenant un petit extrait. Ça s'appelle « Melum Bellum ». Thank you. Phonétique avec ce morceau Melum Bellum. Avec le recul, qu'est-ce que ça te fait, Yann? Ça fait quand même, je sais pas, peut-être 7 ans Phonétique, album. Oui. Mm. Oui, oui, on avait commencé ça un petit peu au hasard des rencontres. Notamment quand j'ai rencontré en fait Tom Garey dans l'orchestre de Marc Ducré, à l'époque Le Sens de la Marche, qui était une sorte de gros orchestre qui entourait le trio de Marc Ducré, donc avec Bruno Chevillon et Éric Échampard. Et là, le vibraphoniste était donc Tom Garey. Et puis rapidement, Benjamin Chaval et Benoît Bouveau se sont agglutinés au truc. Et on a fait phonétique, on a pas mal bossé sur l'improvisation, la composition, voilà. On a fait deux disques. Mmh. Deux albums, dont dans le deuxième, le quartet s'est transformé en quintette, puisqu'Émilie Lesbros vous a rejoint pour cet album Prosodie. Et toi, pour ces deux albums, tu as proposé un répertoire de composition. Voilà, c'est ça. Parallèlement, Le Sens de la Marche, le grand ensemble de Ducré. Qu'est-ce que tu as appris de cette expérience avec Marc Ducré? Waouh, pas mal de choses. Bah, surtout les, évidemment à propos de la musique, mais surtout sur scène en fait. C'est là où j'ai connu un petit peu certaines sensations qui allaient plus loin. Voilà, parce qu'évidemment avec une équipe comme ça. Vous étiez très nombreux. On était, je sais plus. Une dizaine. Et puis c'était. Donc de jeunes musiciens qui prenaient un peu sous son aile et. Voilà, ouais, qui l'avait constitué comme ça. Et puis bon, ça a duré 4 ans, on a pas mal fait de concerts, on a fait un album. Et puis depuis, Marc, il est parti au Danemark, et je pense vers d'autres musiciens aussi. Et voilà, c'était une bonne période. Et comment tu définirais, déjà dès ces années-là, et la musique que tu fais, on entend, ça sonne jazz? C'est une musique contemporaine. Ouais, peut-être, mais je suis. Enfin, je me sens ni proche de l'une ni de l'autre, dans le sens où je pense pas être un jazzman. Bon, même s'il n'y a pas vraiment de définition. Même si tu as fait tes classes de jazz. Ouais, mais ça, aujourd'hui, on peut en trouver pas mal des classes de jazz. Et puis la musique contemporaine, même si j'en ai fait un peu. Ici, en arrivant à Bruxelles, je me sens pas non plus musicien contemporain. Donc voilà, en fait, l'endroit où je me trouve, c'est peut-être au milieu de tout ça et puis bien d'autres choses encore. Oui, il y a une fusion, le rock est présent aussi. Ouais, le rock, ouais. Ouais, ouais. On va chercher partout où ça nous dit, en fait. On va continuer à explorer ça, Yann, avec un autre de tes projets, ça s'appelle Organum. Ah oui. Alors ça, c'est un projet, j'avais... c'est une écriture polyphonique, alors, pour pas mal d'instruments, tout ça. Et il me semblait assez compliqué, niveau agenda, c'est toujours compliqué entre musiciens de réunir autant de monde. Donc, je me suis dit, je vais tout faire dans le grenier. Enregistré dans le grenier, voilà, avec un ami ingénieur du son, et puis Benjamin Chaval aussi qui intervient. Et Sofiane Ben Youssef à la base. Sofiane Ben Youssef, qui lui-même enregistrait en fait. D'accord. Voilà. Donc Organum, à la base, c'est un genre musical... j'avais pris mes petits... Ouais, absolument. Un genre musical qui s'est généralisé au XIe siècle. Ouais. Et c'est un genre vocal et sacré. Pour le coup, là, il n'y a pas de voix. Non, mais en fait, je savais pas quand j'ai fait Organum qu'il existait une forme médiévale qui s'appelait Organum et qui justement fait intervenir une voix principale, un cantus firmus, et en parallèle à une quinte ou une quarte en dessous ou en dessus, ça dépend. Une sorte de deuxième voix, mais voilà, qui est accompagnée de manière très parallèle. Et ce qui est marrant, c'est que les principes d'Organum, chez moi, tel que je l'ai écrit, reprend ces principes. Donc c'est bien, ça a été une coïncidence heureuse, et puis tant mieux. Oui, donc cette polyphonie vocale est devenue une polyphonie d'ensemble avant. Voilà. En écoutant Organum. Thank you. c'est un grand malheur de baisser tous ces morceaux et de ne pas pouvoir tout entendre, mais on n'a qu'une heure dans cette émission et tu as beaucoup de projets, Yann Le Coller. Donc ce qu'on vient d'entendre, Organum, c'est enregistré en raw recording. Voilà, ouais. C'est moi-même qui, avec des flûtes, des clarinettes, des saxophones, ai empilé beaucoup de voix, des fois jusqu'à 10. Et après, avec adjonction de batterie et basse quand même pour structurer le bazar. Oui, on sent comme une volonté de créer une architecture musicale. Voilà, ouais. Oui, c'est un peu ça, la forme, la structure aussi. Tout ça est présent. On continue avec un autre projet, une musique de film. Le film, c'est Le Fantôme de l'Opéra, qui est sorti en 1925, un film de Rupert Julian. Et donc, pour les... c'est issu d'un livre de Gaston Leroux, qui a été écrit en 1910. Et pour le centenaire de l'œuvre, il a été demandé de réaliser la musique sur le film. Voilà, c'était une idée de la boîte d'édition de Nîmes, dans le sud de la France, venue d'ailleurs, qui avait la volonté de donc faire une belle édition avec coffret livre plus DVD, donc qui incluait le film d'époque remasterisé au niveau de l'image et une bande originale que donc on a enregistrée moi-même avec 5 autres musiciens. Ouais. Et toi, comment tu as travaillé dessus en fait ? Tout est composé. Assez traditionnellement, c'est des séquences filmiques qui reprennent par thème de lieux ou de personnages, hein, des sortes de leitmotiv, très traditionnel dans le genre, mais qui nous a permis d'essayer plusieurs choses, des atmosphères, des... Oui, c'est ça, on entend, on peut écouter dès maintenant, d'ailleurs, le thème du fantôme, voilà. Qui est donc issu de ce film, de la musique de ce film, Le Fantôme de l'Opéra. Le thème du fantôme que tu as écrit pour ce film, Le Fantôme de l'Opéra, on entendait à l'accordéon en introduction Sébastien Mazoyer, et donc édité chez Vénus d'ailleurs, ouais. La revue créée en 2006 par Vincent Cap, ouais. Il préfère. Qui par ailleurs fait l'illustration de votre groupe Mu. Ça arrive. On lui demande des fois des affiches, des pochettes. Bon. Quentin, Eric, vous, c'est quelque chose que vous connaissez assez bien aussi, composé sur de la musique de film. Vous avez eu un duo tous les deux. Ah oui, c'est vrai. Oui. Minimax. Je crois qu'on a toujours un duo. Ouais. Et qui s'appelle toujours Minimax. Oui, Minimax. Et donc, vous avez joué sur des Chaplin, Le Fantôme qui ne revient pas, Un chant d'amour, le chef-d'œuvre, entre autres. L'Aurore aussi, de Murnau. Oui. Vous parlez de votre groupe, des tréfonds de la terre aux hautes cimes de l'esprit, Minimax. Un minimum de moyens pour un maximum d'effets. Ou l'inverse. Est-ce que vous voulez commenter cette citation de vous-même ? Je pense qu'il n'y a rien à ajouter. Ouais, la musique parle pour elle-même. Quel plaisir particulier à mettre du son sur les images ? Bah, les pervertir déjà. Après, le divertissement. Mm-hmm. On peut faire dire presque ce qu'on veut avec la musique sur des images. Et c'est assez excitant. Il y a un autre projet qui vous relie tous les deux, je crois. Pardon. Eric Bribosia, Yann Le Coller. Un projet de ciné-concert aussi sur des courts-métrages. Oui. La semaine passée, on a joué à Nîmes sur plusieurs courts-métrages expérimentaux. Une musique de Yann, mais avec Benjamin Chaval et puis deux autres musiciennes. Margaret Hermand et Anne, je ne sais plus son nom. Bernard. Anne Bernard, à la viole de gambe et à la harpe. On va écouter un petit extrait. Voilà. Vous avez joué notamment sur Alice au Pays des Merveilles, le film de 1903. T'entends à la clarinette. Eric, tu étais là au clavier. Donc pour ce projet de ciné-concert, peut-être on espère, il était à Nîmes, qui sera bientôt à Bruxelles. On joue le 27 juin au Cercle des Voyageurs. Ah, très bien. Ouais, donc dans le centre-ville, voilà. Le 27 juin. Sur les mêmes films. Oui. Tout à fait. Très bien. Un autre projet, Trois Incantations. C'est une série de compositions pour trois voix. Les trois voix sont Géraldine Cosier, Sarah Klenz et François Variana. Vaiana, oui. Donc pour ces compositions, tu t'es inspiré de Motet. Dès qu'on parle de voix, comment ne pas les regarder dans une des plus grandes formes vocales qui soit, le Motet. Oui, qui a été, je suis pas sûre que tout le monde connaisse, c'est donc développé au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, oui, c'est toute la construction polyphonique à travers l'histoire de la musique qui atteint des sommets après avec la Renaissance. Bon, après, j'irai pas jusqu'à dire que ce qu'on a accompli avec les incantations soit évidemment au niveau des grands motets de l'histoire. Hein. On va laisser chacun se faire un avis. On va écouter un bout de l'incantation 3 de Yann Le Coller. Prenez-moi, je vous en supplie, prenez-moi. Donc à la base, dans les motets, hein, c'était des chants latins. Là, on entend des textes en français. C'est toi qui les as... Français, pas vraiment, non. On a cherché des vocables, des syllabes qui aimaient J'avais bien... J'avais l'impression d'entendre des ah oui histoires. Ça peut arriver, en fait. C'est une langue imaginaire parmi tant d'autres qui existent et qui permettent juste d'articuler les sons, mais... Ce projet Incantation, quand tu parles pour ce projet d'une invitation à une compréhension plus obscure, plus profonde de nous-mêmes, il y a eu question de mystère, de quête. Est-ce qu'il y a une part ésotérique en toi, Yann Le Coller, dans ta musique ? Je pense, oui. En tout cas, si on devait choisir entre un côté intellect ou plutôt mystique de la chose, là en l'occurrence la musique, je pense que je suis clairement du côté de la sensibilité et du mysticisme, même si j'agglomère pas les deux, mais oui, je pense. Pour l'aspect intellect, il y a quand même une forte inspiration du compositeur contemporain Messiaen pour ce projet, mais aussi pour Mu. C'est... une passion particulière pour ce compositeur-là. C'est un compositeur qui m'a vraiment beaucoup touché il y a de ça 10 ans, et depuis étudiant sur son langage, sur ses bases, j'utilise beaucoup tout son langage à lui. Bon, là je pense pas qu'on a le temps d'en parler, mais en tout cas, c'est absolument le langage qu'on emploie avec Mu, donc, avec Eric et Quentin qui sont là, et que je pense que la musique parlera d'elle-même. Ouais. Merci beaucoup, hein, vous trois, d'être venus. Quentin Manfroy, Eric Bribosia, évidemment, on pourrait vous consacrer une émission, et j'espère que ça se fera, entière, à chacun de vous. Mais voilà, aujourd'hui on parlait un peu plus avec Yann. Vous tous les trois, vous êtes rencontrés via le Blacklight. Enfin, en tout cas, on peut noter que vous avez. On joue tous les trois dans le Blacklight. Oui, c'est ça. Et bon, je sens, voilà, tout le monde avec ses instruments prêts à jouer, a très envie de jouer. Donc on écoute. Où ira bien qui verra le dernier, Mu. Thank you. Merci messieurs. Vous venez d'entendre en direct le groupe MU, Yann Le Coller à la clarinette et à la composition, Quentin Manfroy à la flûte et Éric Bribosia au clavier. Oui, je tiens à dire qu'il manque quand même Benjamin Chaval aux batteries et aux machines qui fait une grosse part aussi. Mais bon, qu'on n'a pas pu inviter aujourd'hui malheureusement. MU est un quartet. Oui, absolument. Et moi, je tiendrais à dire aussi que Benjamin Chaval répond du nom de Bébé Chat. Oui. Très bien. Donc, si tu nous entends, Bébé Chat, on t'aime. Tu te reconnais. Donc, c'est constitué de ce que tu as appelé MOVE. Oui. Alors, MOVE, bon, c'est juste la diminution de mouvement, c'est-à-dire que toute la musique qu'on joue, et en fait ce sont des pièces qui sont organisées suivant certaines règles, dans certains modes justement d'Olivier Messiaen, puisque là on y est tout à fait. Les modes en transposition limitée. C'est ça, voilà, alors qui renvoie à beaucoup de choses qu'on peut malheureusement pas développer ici. On a encore 5 minutes si on veut. Vous, ah, tiens, Eric... j'entends la cloche. Oui, mais enfin, écoute, le futur, enfin, le Reggae on Sunday n'est pas encore là, donc on peut prendre un peu. Éric et Quentin, vous aviez un intérêt particulier pour la musique contemporaine pour Messiaen avant cette composition de groupe avec Yann. Messiaen, c'est les oiseaux, évidemment. La lumière qui te passe à travers les vitraux. Puis certaines, voilà, il était un petit peu cherché dans l'histoire de la musique, des choses qui pouvaient être utilisées, notamment avec l'Inde, et puis certains assemblages de notes qui lui paraissaient posséder une qualité significative. Et spirituelle. Et spirituelle. Donc les couleurs, les oiseaux, le temps. Ouh là là, oh là là. Donc oui, en effet, il semblerait que tu y sois sensible, Quentin. Éric, la musique... Aussi, j'avais découvert Messiaen il y a aussi plus ou moins une dizaine d'années. Et depuis, j'ai toujours beaucoup écouté. Donc quand Yann m'a dit qu'il était aussi un grand fan de Messiaen, ça m'a... Vous êtes compris. Voilà. Et pour vous, c'est plutôt une musique affective ou intellectuelle, ce que vous faites là? Ce qu'on fait ici, c'est pas intellectuel. Pour, moi, pour ma part, pas une seule seconde. C'est vraiment une question de sensibilité, d'affect, si on se rapporte à une terminologie baroque, mais en tout cas qui est liée à l'esprit, au sentiment, en tout cas au spirituel, beaucoup plus qu'à des schémas intellectuels qui, bon, sont moins importants que le reste, je pense. C'est ce que tu imaginais jouer en venant en Belgique, Yann? Il faut savoir que tu es ici depuis quoi, 3 ans? Oui. Oui, tu crois pas si bien dire. Je pense qu'un des moteurs qui m'a fait décoller et atterrir à Bruxelles, c'est un album nocturne, 21 émanations, écrit par Bo van der Werf, et qui justement lui-même utilise complètement ce langage de Messiaen. Et donc j'étais fortement impressionné par ce qui se passait ici. Bon, c'est une raison parmi tant d'autres. Et comment tu te sens dans le réseau belge par rapport au Thor, au sud de la France, le Vaucluse? Depuis 3 ans en Belgique, musicalement. Écoute, beaucoup mieux. Bruxelles est une ville très, très dynamique. On y trouve beaucoup de choses. Et c'est vraiment un plaisir de tous les jours se laisser surprendre à mille et une choses qui se passent. D'ailleurs, je pense qu'on peut parler du concert de MU la semaine prochaine. Oui, au 63 rue du Houblon. Oui. C'est mercredi, le 15 mai. Voilà. Ouais, et on pourra vous entendre en live, en version quartet. Ah, enfin. À 20h. Donc à 20h, 63 rue du Houblon, le lieu s'appelle HS63. On peut aussi, si on n'est pas à Bruxelles, on ne peut pas venir là, aller télécharger gratuitement votre musique. Et ça se fait sur Todol, qui est une plateforme d'écoute et de téléchargement gratuit. Todol, littéralement libération par l'audition. Donc ça, vous pouvez trouver sur todol.blogspot.com. C'est une initiative d'un de vous, Vincent Cap, on a déjà d'ailleurs cité, et moi-même qui avions décidé de quand même avoir une petite, une petite diffusion comme ça, gratuite et possible, pour, parce que trop de choses en fait restent un petit peu bloquées dans les tiroirs, comme on s'inscrit quand même dans des réseaux underground qui sont à diffusion et à production limitée. Même si c'est très intéressant, il faut trouver des moyens de faire sortir ici et là quelques petites perles qui sinon restent dans les valises. Il a envie ensemble d'enregistrer Je pense qu'en 2013, il va falloir s'y coller, les gars. Un album. Le moment où nous allons faire un disque ensemble approche. Très bien, on en est très heureux. Et donc d'ici là, n'hésitez pas à vous rendre sur Todol, T-H-O-D-O-L. Et déjà, vous pourrez entendre quelques morceaux enregistrés, enfin en tout cas un demi, je crois, sur la compilation aussi qui est sortie. Ah oui, très belle compilation. Ouais, en novembre 2011. Oui. Donc le volume 1 de la compilation Todol. Messieurs, cette émission touche à sa fin. Vous avez pu dire tout ce que vous souhaitiez ? Oui. Oui. Très bien. Yann ? Oui, écoute, merci de l'invitation. Merci à toi d'être venu. C'était le 19e Où ira bien, qui où ira le dernier, en compagnie de Yann Le Colère et de ses invités Éric Brébozia et Quentin Manfroy. Merci messieurs d'être venus jusqu'à nous. Merci à toi. Merci. Bonne fin de dimanche. Salut.